ministre de l'écologie. Nous c'est les verts, j'ai magouillé pour être aussi. Suite l'économie, fais pas de mini-écologie. Sensibilise l'électorat par la BR. Ces campagnes, j'pochtonne sur le programme. Destruction des cachetons et des tours, j'coordonne. Plus beaucoup de durs, des quartiers, j'enlève les dalles. Un peu de verdure, ça fait pas de mal. Un Matignon, j'ai infiltré des relotes et des niggas. Là pour 5 ans maximum. À 6 bars, j'augmente le SMIC, les minima, ferme les tabacs. De façon, j'm'en bats. Au ministère, y'a un Kofi, j'ai des potos sur Cuba. Faut qu'on radie, j'en ai parlé à Chirac. On va refaire l'hymne sur Cuba. Supprimer Vigipirate, sponsorisé par Ginera, on te gouverne. Tu veux du taf, appelle Ramsa, ça fonctionne pas à découvert. C'est nous, les nouveaux ministres. Et vous, les anciens, on vous renvoie. Partout, on impose nos lois. On s'en fout, les gauches, les droites, on vient d'en bas. C'est nous, les nouveaux ministres. Et vous, les anciens, on vous renvoie. Partout, on impose nos lois. On s'en fout, les gauches, les droites, on vient d'en bas. Ramsa, big boss au ministère du travail. Je fais voter plein de mesures pour les miens, je débloque de la maille. J'installe la mille phares. Au ministère, j'en remets des bêtes de bureau au pulcra, au délacol, au col. Je l'ai fait skeka. Les RMI se prendront un boulon par mois. Je rachète la NPE pour du taf, faudra passer par moi. Distributeur taf pour tout le monde au déclin. Je mets au piqué les patrons qui se la contrat. Voyage dans les pays extérieurs, signe des putains de contrat. Je proclame mon daron, président du MEDEF. En tant que nouveau baron, actionnaire majoritaire d'EDF. Je fais capoter les plans du président, je le laisse dans le gouffre. Je fais voter des lois pour toutes les minorités qui souffrent. Quand je rentre dans cette assemblée, ça pue le souffle. 12 ministres du ministère des ouvriers. Dans le système, t'as pas le choix, c'est ça ou tu coules vite. C'est nous, les nouveaux ministres. Et vous, les anciens, on vous renvoie. Partout, on impose nos lois. On s'en fout, les gauches, les droites, on vient d'en bas. C'est nous, les nouveaux ministres. Et vous, les anciens, on vous renvoie. Partout, on impose nos lois. On s'en fout, les gauches, les droites, on vient d'en bas. En tant que ministre de la justice, j'impose ma vision, je passe de justesse. C'est moi qui prends les décisions, je déclare tous les dollars, ouais. Libérables, sauf les violeurs, pointeurs, indésirables. Pas besoin de costard, cravate, ni de chauffeur. Seulement parmi les juges, y'aura plus de peur. Mon pote, lui, c'est le boss des finances. C'est lui qui me paye tout, quand je sors de la France. Et quand je circule, c'est avec ma plaque CD. Je rends fou les motards, quand je fous à fond le CD. Une fois à l'Elysée, les pièces sont enfumées. Président est déguisé, prêt pour la soirée. Je viens ni de gauche, ni de droite, je viens plutôt d'en bas. Et quand le premier est à mes pas, je le renvoie en bas. Je lui déforme ses lois, sur la tête mets un pas. BRP sur tous les toits, et tous les matons lèvent les bras. C'est nous, les nouveaux ministres. Et vous, les anciens, on vous renvoie. Partout, on impose nos lois. On s'en fout, les gauches, les droites, on vient d'en bas. C'est nous, les nouveaux ministres. Et vous, les anciens, on vous renvoie. Partout, on impose nos lois. On s'en fout, les gauches, les droites, on vient d'en bas. En tant que ministre de l'Intérieur, Seven de Villepin, foutre à l'extérieur, les gens marient le pain, diminuer les radars, plus de cocolles au volant, j'enverrai mes petits ch'tards, au parquet tirer au volant, ils auront plus de flingues, bon je leur laisse le flashball, qui joue pas les balles tringues, si jamais ça se coupe, s'il y a une perquise, prévenez les voyous par courrier, quand on toque à la porte, vous nous voyez et vous souriez, mais poulez votre tenue, c'est une casquette et un baggy, vous déboulez en caisse, bougez la tête sur du shaggy, j'ai prévenu les gendarmes, salle de torture et missiles, ils auront beaucoup d'armes, pour hagar les pédophiles, j'aurai un beau costard, à la jet set une fine moustache, cette renouvelle Satis, pas retardé par ces versages. J'suis en immunité, car j'ai menotté la France. Total impunité, Darius fait la justice en France. C'est nous, les nouveaux ministres. Et vous, les anciens, on vous renvoie. Partout, on impose nos lois. On s'en fout, les gauches, les droites, on vient d'en bas. C'est nous, les nouveaux ministres. Et vous, les anciens, on vous renvoie. Partout, on impose nos lois. On s'en fout, les gauches, les droites, on vient d'en bas. Allô, allô. Mais bien sûr que c'est le président, pauvre con. Tu crois que c'est qui t'appelle sur cette ligne? Non mais t'arrêtes tes conneries, je reviens de voyage et c'est la merde. Et y'a des manifestants partout, et vas-y que c'est les embouteillages. Tu crois que je t'ai confié la gestion du pays pour que tu me chies dans les bottes, mon business? Non mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de trimards que tu m'as pris? Mais putain, mais les flics fument du shit maintenant. Mais c'est plus un pays, moi aussi je fume du shit. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais maintenant vous allez vous retirer tous les doigts du cul et vous allez aller au boulot. Sinon je vais vous botter votre sale petit cul de galérien de merde. Non mais vous faites que bouffer, pioncer et chier ou quoi dans cette tôle? Tu crois que c'est facile de condamner l'Irak et de laisser faire la Tchétchénie? Alors tu vas me remettre ça en ordre tout de suite. Je veux qu'il y ait plus de manifestants dans les rues dès demain. Parce que moi ce soir je sors. Eh ouais, y'a Vladimir qui m'attend. Y'a Tony qui m'en appelait tout à l'heure. On doit aller danser le funk. Ça tu le comprends pas? Tu comprends pas, pauvre couillon? Je dois aller vendre des TGV aux Chinois. Et comment on fait? Il faut organiser de la soirée. Faut faire venir des putes. J'ai pas que ça à branler d'arrêter les manifestations. Alors remets-moi les gens au boulot. Il faut qu'ils aillent au turf. Au Turban Man. Il faut qu'ils aillent bosser. Il faut qu'ils aillent bosser pour faire entrer du putain de flouze dans ce pays de merde. Bon allez, je me barre. J'ai une soirée ce soir. Je sors, faut que j'aille faire l'afro. Espèce de sale enfoiré.